Vigilance routière de la préfecture du Nord nous signalait tout à l'heure un véhicule en panne sur la 25. C'est bon, tout est terminé et tout est revenu à la normale à hauteur de la chapelle d'Armentières. Vous circulez bien mieux et donc quelques ralentissements aussi à vous signaler. Boulevard de Lausanne à LM-Lille en direction de Lille avec 5 à 10 minutes de temps de parcours en plus. Avant de parler cinéma avec un film d'animation qui est sorti aujourd'hui, le retour des Tortues Ninja, on écoute Miley Cyrus avec Flowers sur France Bleu Nord. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn. Avec France Bleu Nord. C'était Miley Cyrus, c'est Flowers. France Bleu Nord, le 16-19. Qui dit mercredi, dit sortie cinéma, évidemment, et elles sont de retour. Ça, c'est le générique qu'on a connu, nous, à la fin des années 80 et au début des années 2000. Enfin, jusqu'au début des années 2000, les Tortues Ninja reviennent dans une version bien plus moderne au cinéma avec le film d'animation Ninja Turtles Teenagers. Après des années passées loin du monde des humains, les frères Tortues veulent gagner le cœur des New-Yorkais et être acceptés comme des adolescents normaux grâce à des actes héroïques. Leur ami April O'Neil les aide à s'attaquer un mystérieux syndicat du crime. On n'a qu'à arrêter Superfly. Après, tout le monde nous trouvera sympa et nous acceptera. Superfly va faire son deal cette fois sous le pont de Brooklyn. Qu'est-ce que c'est? Là, le délire. Vous êtes des petites tortues, c'est ça? J'y crois pas, il y a d'autres mutants. Bon alors, vous roulez avec nous? Les humains ne nous aimeront jamais. on va s'arranger pour que les mutants dominent la Terre. Ninja Turtles Teenagers à découvrir donc dès aujourd'hui au cinéma. Et puis si vous voulez rester dans le canap' ce soir sur TF1, une comédie romantique, 20 ans d'écart avec Pierre Niney et Virginie Efira. Alice a 38 ans, elle est belle, elle est ambitieuse, elle a tout pour être la prochaine rédactrice en chef du magazine Rebelle, tout sauf son image de femme coincée. Mais lorsqu'elle rencontre Balthazar, un jeune étudiant, le regard de son patron change du jour au lendemain. Croyant avoir trouvé la clé pour obtenir sa promotion, elle décide donc de faire croire une improbable idylle, mais finalement le charme de Balthazar ne la rend pas si indifférente. Je comprends pas, je croyais que j'étais la seule en qui t'aies confiance pour reprendre le magazine. Ah merde, qu'est-ce qu'elle a plus que moi? Si tu me fais pas rêver, comment tu veux faire rêver l'électrice? T'es en train de me dire que je suis trop vieille? Tu veux que je me tape un gosse pour le faire plaisir? Tu vas faire croire que tu te le tapes. Nuance. Là. J'avais perdu ton number, en fait, et je me suis dit que le plus simple, c'était encore de passer, carrément. 19 ans, Balthazar, t'as 19 ans. Je sais ce que vous devez vous dire. Il est jeune, il a envie de déconner, de se la raconter devant ses potes, mais c'est pas du tout ça, Alice. Vous me plaisez. Vraiment, je veux dire, vraiment, comme c'est jamais arrivé avant. Oh, dis donc, regarde, ils ont rétréci du jardin. 20 ans d'écart avec Virginie Efira et Pierre Niney, à voir ce soir sur TF1, dès 21h10. Voici maintenant le nouveau Patrick Bruel, c'est ce monde-là sur France Bleu Nord. Il y a ceux qui pleurent et ceux qui prient, et ceux qui parlent un peu trop fort. Il y a ceux qui se mettent à l'abri, même s'il n'y a pas de pluie dehors. Il y a ceux qui meurent d'amour aussi, et ceux qui n'ont pas fait d'effort. Il y a ceux qui disent que c'est fini, et ceux qui veulent y croire encore. Il y a ceux qui regardent le ciel, et ceux qui croient qu'ils sont heureux, ceux qui pensent que tout est pareil, et ceux qui jouent avec le feu, ceux qui parlent dans leur sommeil, ceux qui n'ont pas su dire adieu, ceux qui ont envie de soleil, et tous ceux qui ferment les yeux. Et il y a toi, il y a moi, il y a nous deux dans ce monde-là, nous deux comme des gens qui passent, comme ces milliers de vagues à la surface. Il y a ceux qui ont refait leur vie, ceux qui ont défait leur bagage, ceux qui tombent pour la patrie et ceux qui n'ont pas été sages. Il y a ceux qui rêvent leur symphonie, ceux qui ferment les livres d'images, ceux qui n'ont plus aucune envie, ceux qui se cachent le visage. Il y a ceux qui crient avec les loups, et ceux qui auraient tellement à dire, ceux qui ne vivent qu'à genoux, ceux qui donneraient tout pour s'enfuir. Il y a ceux qui se cherchent partout, ceux qui ont perdu le sourire. Il y a ceux qui se tiennent debout, et ceux qui n'ont fait que mentir. Et il y a toi, il y a moi, il y a nous deux dans ce monde-là, nous deux comme des gens qui passent, comme ces milliers de vagues à la surface. Et y a toi, y a moi, y a nous deux dans ce monde-là, nous deux au milieu de la foule, enlacés comme un serpent qui s'enroule. Et ceux qui abandonnent tout, et ceux qui rêvent de voyage, ceux qui ont des idées sur tout, ceux qui entendent les messages. Il y a ceux qui sont à moitié fous, qui ne voient même plus les virages. Il y a ceux qui n'ont plus rien du tout, et ceux qui veulent davantage. Et il y a toi, il y a moi, il y a nous deux dans ce monde-là, nous deux comme des gens qui passent, comme ces milliers de vagues à la. Y a toi, y a moi, y a nous.

Pour les aider, mon papy a décidé de leur donner une partie de son héritage. Je suis fière de mon papy. Est-ce que vous le saviez ? Action contre la faim peut devenir votre héritier. Pour un monde sans faim, pensez à la transmission en faveur de notre association. Vos volontés seront respectées. Demandez la brochure sur les legs et assurances vie sur actioncontrelafaim.org. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Nord. Très bon début de soirée avec France Bleu Nord. Il est 18h. Toujours les mêmes bouchons, et oui, à cette heure-ci, ça se complique sur le tronc commun A22, N227, donc à hauteur de Léquin, Villeneuve-d'Ascq, en direction de Gand. Vous pouvez compter à peu près 10 minutes en plus de trajet. Soyez prudents. 03 20 55 89 89 pour l'inforoute, on vous le rappelle. Un point sur la météo maintenant avec vous, Louise Adélaïde Boinard, et les bonnes nouvelles. Et oui, du soleil, encore du soleil pour la soirée, pour demain. Et puis au niveau des températures, on est dans les 20 degrés. Plusieurs élus des Hauts-de-France expriment leur émotion suite à l'incendie d'un gîte en Alsace la nuit dernière. Xavier Bertrand, le président de la région, Sébastien Chenu, député RN, Violet Spielboot, député Renaissance, ou encore Fabien Roussel, député communiste. Tous ont écrit un message de solidarité aux victimes et à leurs familles. 11 personnes sont décédées dans ce gîte de vacances qui accueillait des personnes atteintes d'handicap mentaux. L'origine du feu reste inconnue, une enquête est en cours. Le quinquagénaire porté disparu depuis fin juillet à Saumin dans le Nord a été retrouvé sain et sauf par la police. Il se trouvait finalement dans la commune. La police remercie tous ceux qui ont répondu à l'appel à témoins. À Aulnoy-les-Valenciennes, un jeune de 21 ans est en garde à vue. Pour un cambriolage qui date d'hier soir, bonsoir Thomas Chonner. Bonsoir. Les policiers l'ont pris la main dans le sac. Oui, en pleine nuit, la galerie du centre commercial Carrefour d'Aulnoy-les-Valenciennes est bien évidemment fermée, ce qui n'a pas arrêté cet homme âgé de 21 ans dont le jugement était possiblement altéré par l'alcool. On va y revenir. Tout d'abord, le mode opératoire. Entre 22h et 23h, le jeune homme réussit en fait à monter sur le toit de la galerie. Il brise une verrière, parvient à descendre et la boutique qu'il choisit alors est une enseigne de téléphonie, smartphone, oreillette, accessoires en tout genre. Le cambrioleur en fait se sert, il embarque même son butin dans un caddie qu'il a réussi à récupérer. Entre-temps, les policiers ont été prévenus puisque les alarmes se sont déclenchées. C'est donc vers 22h50 qu'il retrouve cet homme, son caddie et son taux d'alcoolémie. 1,5 g d'alcool par litre de sang. Il a fallu le mettre en cellule de dégrisement bien sûr avant de pouvoir l'entendre dans le cadre de sa garde à vue. Les explications de Thomas Chonner. 1360 personnes réclament un geste commercial à Ilévia, la société de transport de la métropole lilloise. Une pétition circule lancée par un usager non-voyant. Il déplore un service en berne mais des tarifs toujours identiques. Les signataires se plaignent des travaux sur la ligne qui bloque plusieurs arrêts de tramway et la ligne 1 du métro tous les week-ends ou encore les retards fréquents en ce moment. Le parc animalier Peridaisa en Belgique a perdu un nouvel animal. C'est le deuxième après la mort de son diable de Tasmanie. Il y a 2 semaines, Sayoun, un petit éléphanteau de 2 ans, était atteint d'une maladie incurable. Il s'est éteint lundi soir malgré de nombreux soins. Et on l'apprend également, le chanteur américain Sixto Rodriguez est décédé cet après-midi à 81 ans. Gentlemen, won't you hurry? Il avait été longtemps oublié par le grand public avant que le documentaire oscarisé Searching for Sugar Man ne le ramène à la lumière en 2012. Les chansons de Sixto Rodriguez ont eu un gros écho dans le monde, notamment en Afrique du Sud, où elles sont devenues des hymnes de la lutte anti-apartheid. Pour finir, la personne la plus chanceuse du moment se trouve en Floride parce qu'elle vient de gagner 1,44 milliard d'euros à la loterie. Ouais, quand même. Alors pour vous donner une idée, on a 300 fois plus de chances de se faire frapper par la foudre que de gagner cette somme en fait. Donc voilà, on peut dire que vraiment il y a eu un coup de peau monumental et c'est le 3e plus gros jackpot de l'histoire des États-Unis. Je vous vois, pense, vous réfléchissez à tout ce que vous pourriez faire. Mais voilà, que va-t-il faire avec tout ça? Il y en a beaucoup trop. Ah oui, je pense qu'à 1 milliard, on n'arrive pas à se rendre compte à quel point on peut acheter des choses avec. Louise Adélaïde, on a de bonnes nouvelles niveau météo, on le disait, hein, il va faire très beau. Oui, c'est ça, il va y avoir du soleil pendant encore toute la soirée, donc voilà, on pourra en profiter vraiment, même pendant toute la nuit, parce qu'il va faire plutôt bon ce soir, on va être dans l'autour de 15-16 degrés encore, et puis demain, le soleil va revenir éclatant, resplendissant, on peut dire même. Et puis au niveau des températures, il fera même encore plus chaud qu'aujourd'hui. On peut monter jusqu'à 25 degrés demain. Et voilà, ça c'est mieux qu'un milliard de dollars. C'est beaucoup mieux, le soleil. L'inforoute sur France Bleu Nord, 03 20 55 89 89. On vous le rappelle, si vous voyez des bouchons, accidents ou encore véhicules en panne, on vous rappelle ces ralentissements dus aux travaux sur l'A1 qui durent jusqu'au 14 août. Sur la traversée de Villeneuve-d'Ascq, et ça commence d'abord au niveau du tronc commun entre l'A22 et la N227, tout ça en direction de Gand, 5 km de bouchons à peu près, donc un temps de parcours allongé de 10 bonnes minutes. Vous êtes aussi au ralenti boulevard de Lausanne à LM Lille en direction de Lille, avenue du Général Leclerc à Fesches-Thumesnil en direction de Ronchin sur la voie rapide urbaine à l'entrée de Lille, quelques ralentissements dans le secteur de Fives, et puis à Boulogne-sur-Mer à nouveau des bouchons, 15 minutes de ralentissement en direction d'Outreau. Donc c'est au niveau du boulevard Gambetta et boulevard Sainte-Beuve, au niveau de Nausicaa. Et puis dans le Domarois, des travaux et des ralentissements donc à hauteur de Tilk en direction de Moule, avec 13 minutes en plus de trajet. Bah tiens, on parlait de la foudre, 18h05 sur France Bleu Nord. Sur le chemin de la maison, c'est le 16-19 qui vous accompagne sur France Bleu Nord. Pourquoi les orages sont toujours plus fréquents l'été? Chloé Nabédian va nous donner la réponse dans les mots de la météo. Et puis tout à l'heure, Joe Dassin, l'été indien. On va savoir tout sur ce tube de l'été. Ce sera avec Philippe Salé. Pour l'instant, souvenir de 2012 avec les 4 DJ français C2C, c'est Happy sur France Bleu Nord. You'll never feel happy. No, you won't until you try. You'll never feel happy. I got a

est un animal. Est-ce qu'après tout c'était pas si mal? J'empile, empile des questions tellement banales. Problème, je me demande si c'est moi. Qu'on prenne la coque qui pourra. Je vais tout brûler, même ta maison. Pauvre de toi. Nord, c'était Mentissa avec Mamma Mia. France Bleu Nord vous emmène tout cet été dans les guinguettes de la région. Connotation guinguette, c'est la convivialité, c'est une ambiance plutôt familiale, les gens sont souriants. Chaque jour, du lundi au vendredi, découvrez ces endroits que l'on fréquente entre amis, en famille, à deux, pour se régaler ou pour se détendre et même pour faire la fête. De Calais à Jeumont, de Marc-en-Barœul à Arras, suivez-moi à 6h45, 10h20 et 17h30. J'aime bien être avec mes amis et on se fait une petite partie de pétanque, de molki, c'est marrant, on passe un bon moment, c'est convivial. Tout le charme des guinguettes de la région, chaque jour, sur France Bleu Nord et sur francebleu.fr. France Bleu Nord vous souhaite le plus beau des étés. 18h17 sur France Bleu Nord, on retourne sur les routes avec soyez prudents, toujours ces bouchons à hauteur de l'Équin sur la 22 en direction de la N227, donc également sur tout le tronc commun et sur la traversée de Villeneuve-d'Ascq en direction de Gand. Comptez à peu près 10 minutes de ralentissement, vous contournez en ce moment les travaux sur l'A. Des bouchons aussi avenue de la République à Marc-en-Barœul en direction de la Madeleine, également 10 minutes en plus de trajet pour rentrer à la maison. Quelques ralentissements boulevard de Lezenne à LM Lille en direction de Lille, et puis vous êtes aussi au ralenti sur la voie rapide urbaine à l'entrée de Lille dans le secteur de Fives. Soyez prudents, 03 20 55 89 89. Grand, il va nous parler d'un classique de Joe Dassin. Chaque soir, Philippe Salé est là dans les tubes de l'été pour nous parler des secrets des plus grands tubes. Avant ça, voici les Connells avec 74-75 sur France Bleu Nord. Les Connells avec 74-75 sur France Bleu Nord. Et on retourne un peu plus en arrière avec les tubes de l'été de Philippe Salé. Zoom aujourd'hui sur un tube de Joe Dassin, L'été indien. Les tubes de l'été. Tube. À fond les tubes. Nous sommes à l'été 75 et partout, mais absolument partout, radio, télé, dans les jukebox, en boîte de nuit, on entend la même chanson, ou plutôt le même slow de l'été, oui, car c'est bien l'époque des slows de l'été. Alors, comme nous sommes en 75, j'ai poussé la porte du Sunset. Vous savez, c'est ce piano bar sur la rue Saint-Jean au Touquet. Voilà, je vais demander au pianiste. François, tu peux me jouer le slow de l'été, s'il te plaît ? Ouais, merci. Oui, je sais qu'après quelques notes, vous l'avez reconnu. C'est bien l'été indien. Ouais, il ne manque plus que la voix de Joe Dassin. Et on y est dans cet été 75. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. Ce 45 tours sorti le 6 juin 75 sera le plus gros succès de Joe Dassin, avec 800 000 exemplaires vendus rien qu'en France et quasiment 2 millions dans le monde. Le titre sort dans 25 pays et sera traduit en plusieurs langues. En allemand, ça devient le titre September Wind, en espagnol sous le titre Un vivo parla el amor, à peu près, et en anglais sous le titre Indian Summer. Les tubes de l'été. Cette chanson est arrivée comme la providence pour Joe Dassin. Oui, parce qu'après un album sorti fin 74 qui ne s'était pas très bien vendu, l'artiste doit renégocier son contrat avec CBS, sa maison de disques. Son directeur artistique est à l'affût donc d'un titre fort pour relancer la carrière de son chanteur. Et lors d'une réunion d'écoute chez CBS en mai 75, il repère une chanson italienne du groupe Albatros qui s'appelle Africa. La chanson est écrite en anglais, elle est composée par un certain Toto Cutugno. Oui, le chanteur. Ce titre ne marchera pas vraiment en Italie et Toto Cutugno souhaite que ce soit Claude François qui en fasse la version française. Et son éditeur, l'éditeur de Toto Cutugno, va se déplacer spécialement à Paris pour présenter la chanson à Claude François, qui doit impérativement donner sa réponse avant midi pour acquérir les droits en français. Mais Claude, qui s'est couché tard comme à son habitude, laisse filer cette occasion parce que son staff n'ose pas le réveiller. Si bien que c'est Jacques Plé, le directeur artistique donc de Joe Dassin, qui va en profiter pour signer avec l'éditeur de Toto Cutugno et donc acquérir les droits de ce titre. Aux couleurs de l'été indien. Joe Dassin va réarranger la chanson et demande un texte à ses adaptateurs, c'est Claude Lemel et Pierre Delanoë. Les deux paroliers vont s'isoler un week-end à Deauville et ils vont imaginer un texte qui raconte donc avec nostalgie une ancienne histoire d'amour sur fond de couleurs automnales de la côte est américaine. Ça sera donc l'été indien. L'enregistrement de la voix de Joe Dassin aura lieu le 24 mai 75 au fameux studio CBE de Bernard Estardiste, un studio mythique dans lequel d'ailleurs travaillait Joe Dassin depuis longtemps. Le titre va sortir le 6 juin 75. Et ce slow de l'été, va devenir la plus grosse vente de disques de Joe Dassin. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an. Il y a un siècle, il y a une éternité. Hacia atrás, solo puedo mirar atrás y sentir que vuelvo a estar aún vivo para el amor. Toute la vie sera pareil à ce matin. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu ? Que fais-tu ? Est-ce que j'existe encore pour toi ? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, Je me couche sur le sable, je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Merci Philippe Salé pour ce tube de l'été. Joe Dassin avec l'été indien, les tubes de l'été, c'est chaque soir sur France Bleu Nord aux alentours de 18h20, 18h25 et on aura à nouveau un grand tube demain, c'est jeudi. France Bleu Nord, le ch'ti qui gagne de l'été. Toute cette semaine, France Bleu Nord vous offre 4 places pour aller au parc Walibi à Wavre, au sud de Bruxelles. 4 entrées pour profiter des 43 attractions, les sensations fortes garanties et le nouveau parcours immersif Karma World avec l'ambiance indienne. On n'oublie pas Aqualibi, le parc aquatique de Walibi. Vous allez profiter à fond et jouer toute cette semaine dans le ch'ti qui gagne sur France Bleu Nord, évidemment. Qui sera le ch'ti qui gagne de l'été ? Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Nord, ici, on parle d'ici. On fait la route ensemble avec Mickaël de la cellule vigilance routière de la préfecture du Nord qui est à nouveau avec nous. Enfin, dernier point avec vous, Mickaël. Où sont les plus grosses complications à cette heure-ci ? Alors, il y a juste une seule complication, on va dire un peu de densité, c'est sur les travaux de l'autoroute 1, donc la déviation par le tronc commun de l'autoroute 1-22, secteur de l'Équin, la traversée de Villeneuve-d'Ascq, commune de Villeneuve-d'Ascq, et donc jusqu'au niveau de l'autoroute 1-22, secteur de Ouascalvo. Alors, une circulation soutenue, même pas parler de bouchons, hein, plus, on va dire une circulation soutenue, après avoir passé la jonction avec l'autoroute 1-22 et la voie rapide urbaine, ça roule normalement. C'est les seules difficultés que nous avons à cette heure-ci. Ailleurs, tout est ouvert, aucun incident, bonne condition climatique, donc ça roule. Voilà. On termine bien la journée. Merci beaucoup Mickaël, belle tout soirée. À fait. Une bonne soirée Louise, à demain. 18h30 sur France Bleu Nord. Pour être encore plus fier de la région, le 16-19 sur France Bleu Nord. Matouya, mais qu'est-ce que ça veut dire cette expression ? J'ai la réponse avant 19h avec Zef dans le Wikizef. Et puis juste avant ça, il y aura aussi Muriel Jordan qui sera avec nous. Elle nous ouvre les portes des plus grands lieux de la France, les lieux qui font partie de notre patrimoine, comme la Banque de France. On va s'y rendre dans les coulisses de la Banque de France à Paris avec Muriel tout à l'heure. Et puis on sera avec Francis Cabrel dans quelques minutes au micro de Laurent Petit-Guillaume. Il se confie sur ses plus grands tubes et on va retourner à la fin des années 90. Avant ça, un titre bien plus récent, signé le chanteur Harry Styles sur France Bleu Nord. Voici As It Was. Bon début de soirée à tous. You.

ça met de bonne humeur. Katy Perry avec Fireworks, France Bleu Nord. France Bleu Nord vous souhaite le plus beau des étés. Je fais tout passer ma route. T'as vu ça passer. Le plus beau des étés est sur France Bleu Nord. Le plus beau des étés est sur France Bleu Nord. À 18h45, le retour de l'inforoute sur France Bleu Nord, un dernier point. Pour ce mercredi soir, toujours ces ralentissements sur le tronc commun A22, N227, donc à hauteur de l'Équin, jusqu'à la traversée de Villeneuve-d'Ascq. Ça se poursuit exactement, boulevard du Breuc en direction de Gand, avec 6 minutes en plus de trajet pour rentrer à la maison ce soir. Toujours ces ralentissements habituels aussi. Boulevard de Lezenne à LM Lille en direction de Lille. Là, vous pouvez compter 14 minutes en plus de trajet. Et puis, du côté de Fâche du Ménil, avenue du Général Leclerc en direction de Ronchin, 2 km de bouchon, donc un temps de parcours allongé de 10 minutes, soyez prudents. Et pour terminer, quelques ralentissements aussi, avenue de la République à Marc-en-Barœul en direction de la Madeleine. C'est une petite souris, elle nous emmène dans les coulisses des plus beaux endroits en France, et c'est accès privé avec Muriel Jordan maintenant. Les journées du patrimoine, c'est tous les jours avec vous Muriel. Vous nous ouvrez la porte de l'un des lieux les plus sécurisés au monde, la Banque de France à Paris. C'est un des sites les plus secrets, c'est une forteresse. Je suis aux côtés d'Arnaud, directeur du service patrimoine historique. Nous sommes à la Banque de France et donc dans le périmètre de sécurité, puisque sous nos pieds, à 30 mètres sous terre, il y a les réserves d'or de la France. Qui pèsent ? Oh, la bagatelle de 2435 tonnes d'or. L'homme aux clés d'or. Des clés d'or, voilà. Alors, on va aller d'abord, historiquement, remonter le temps. On va aller au XVIIe et au XVIIIe siècle. On va aller voir la galerie dorée. Donc, on va s'élever d'abord, avant de redescendre. Alors, direction l'ascenseur. Donc ici, nous sommes au siège de la Banque de France, donc à l'époque de Louis XIV. Alors, on n'est pas encore... Là, on est dans la partie moderne, on va dire, qui date du XXe siècle. Mais on va remonter le temps, puisque là, on marche dans des couloirs qui sont typiquement XXe siècle. Puis après, on va aller dans des couloirs XIXe siècle, puis XVIIIe et finalement XVIIe. Un avant-goût de la souterraine. Ici, alors vous voyez cet énorme rectangle de béton, en fait, qui est aveugle. On pourrait se dire c'est une cage d'ascenseur ou quelque chose comme ça. En fait, pas du tout. C'est la prise d'air qui va prendre à plus de 40 mètres de hauteur l'air pour la souterraine. Ça a été rajouté dans les années 30, puisque dans les années 30, le grand péril, c'était le péril ce qu'on appelait aérochimique, c'est-à-dire les bombardements au gaz. Et donc, la Banque de France a renforcé la sécurité de la souterraine pour mettre une prise d'air avec des filtres pour aller chercher, si on avait utilisé des gaz de combat, chercher l'air en hauteur, au-dessus de la nappe toxique, et le mettre dans la souterraine. On rappelle ce qu'est la souterraine, vous qui venez de nous rejoindre. La souterraine, c'est cette réserve d'or à la Banque de France. C'est l'une des plus grandes salles fortes au monde, puisqu'elle fait très exactement un hectare. C'est un carré de 100 mètres sur 100 mètres environ, et qui a été construit entre 1924 et 1927. Pendant 3 ans, il y avait 1200 ouvriers qui se sont relayés jour et nuit pour creuser avec des techniques de galerie une caverne artificielle, donc sous Paris, sous la Grange Batelière. Et c'est là qu'on a pu entreposer depuis, en sûreté, tout l'or de la France. Accès privé avec Muriel Jordan à écouter sur francebleu.fr et sur l'appli ici, avant le Wikizef. Voici Dua Lipa avec Dance the Night sur France Bleu Nord, extrait du film Barbie. Tonight. watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party running, I won't have a pace. Lately, I've been moving close to the edge, still be looking my best. I stay on the beat, you can count on me, I ain't missing no steps. Cause every romance shakes and it bends, don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. I could dance, I could dance, I could dance. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party running, I won't. Avec Dance the Night sur France Bleu Nord. Avant d'écouter un classique d'Elton John ce soir, on retrouve Zef et le Wiki Zef. Il nous traduit les plus belles expressions ch'ti. Wiki Zef, petit guide à l'usage des étrangers du sud du péage d'Arras en vacances dans notre belle région. Vous savez tous ce que c'est, j'en suis sûr. Quand on est en vacances, on a tendance à se laisser aller. Voilà, on fait plein d'efforts avant les vacances et une fois le camping-car garé à Bray-Dunes, c'est relâchement. On essaie de faire bonne figure, mais au bout de quelques jours, on lâche la rampe. Et un matin, vous vous dirigez vers les sanitaires, votre rouleau de papier cul à la main, vous croisez une cousine éloignée qui vous dit « Eh bé Marion, t'es sûr que ça va? T'es coiffé à dire au matouya ?» Ne paniquez pas, Wikizef est là pour vous aider. Matouya, c'est qui Matouya? C'est quoi? Un personnage de carnaval? Une histoire de cafouniette? Eh ben, je préfère prévenir, personne ne sait qui c'est Matouya. En tout cas, moi, j'ai jamais eu la chance de la rencontrer. Mais, au vu des circonstances dans lesquelles on utilise cette expression... Exemple. Au réveil, par grand vent, une après-midi d'anniversaire à Kidzi avec 200 000 enfants, quand on a laissé le carreau de la voiture ouverte en roulant, un lendemain de cuite, ou une veille de cuite, quand on a vu sa tête, on est en droit de présumer que Matouya, eh ben quoi? Eh ben, elle était mal coiffée. Allez, à demain. Et d'ici là, profitez bien de vos vacances. Le Wikizef, chaque jour à écouter sur France Bleu Nord, plusieurs fois par jour. Et donc c'est à réécouter sur francebleu.fr également. Ambiance Roi Lion avec Elton John maintenant. Can you feel the love tonight sur France Bleu Nord. Belle soirée à tous, profitez du soleil. There's a calm surrender to the rush of day. When the heat of a rolling wave can't be turned away, an enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can it's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? How it's led to rest.